Oyez, oyez! Gentes demoiselles et gentes damoiseaux, cessez vos occupailles et ouvrez grand vos esgourdeaux. Chargez moult victuailles et reliez tous la citadelle. Soyez fieros et n'ayez point trouille, sire d'Arkmine et ses ménestrels ne vont pas vous briser les oreilles.